France Inter, le 13-14. Jean Lebrun, le vif de l'histoire, c'était il y a 170 ans, 2 décembre 1851, le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon, le premier président de la République, élu au suffrage universel. Il ne peut, en vertu de la Constitution de 1848, exercer un second mandat. Bah, il décide de rester au pouvoir. Alors, le récit classique de ce coup d'état commence par la réunion, la veille au soir, des conjurés autour du président, et le dernier ouvrage consacré au sujet, celui de Nicolas Chaudin, ne déroge pas à la règle. Première scène, donc, nous sommes à l'Élysée, que le président a choisi pour résidence. Louis-Napoléon n'entend pas le quitter, mais ses partisans sont trop peu nombreux à l'Assemblée pour imposer la révision constitutionnelle qu'il souhaite et qui aurait pu permettre sa réélection. Ce 1er décembre, c'est soir de réception au palais. Les salons ont bruissé de rumeurs autour d'une initiative que pourraient prendre les royalistes qui sont dominants à l'Assemblée. Une fois les invités partis, le président installé dans une pièce tendue de soie, parmes et argent, garde auprès de lui un petit groupe d'hommes en frac, ses affidés, qui sont prêts à l'appeler demain monseigneur, après-demain sire, parce qu'il prépare pour lui, à terme, le rétablissement de l'Empire. Ce sont des hommes d'opportunité plus que de conviction. Louis-Napoléon observe que le seul qui soit vraiment bonapartiste, c'est Persigny, mais ajoute-t-il, il est fou. Karl Marx dira joliment que ce commando travaille non pas de la tête, mais du chapeau. Le chapeau du vainqueur d'Austerlitz. Tiens, Austerlitz, un 2 décembre. Alors, c'est peut-être un gang d'aventuriers, mais en même temps, on était dans une impasse politique. Il fallait peut-être donner un coup d'épaule, au moins. Ah, je vois venir. Nicolas Chaudin accentue, en effet, le rapprochement avec aujourd'hui. Il écrit que le peuple a fait sécession d'avec la République qui est devenue conservatrice. La République a cruellement réprimé les révoltes du peuple. Elle en était même venue à amputer le suffrage universel. À peine instauré, celui-ci a été enlevé au plus pauvre en 1850. La ville multitude assénée tiers n'a pas à participer à la vie de la République. Résultat, selon Chaudin, les dépositaires de la puissance publique n'osent plus pénétrer dans les ghettos de la misère. Je me demande à quelle époque pense l'auteur quand il écrit ça. Louis-Napoléon aura beau jeu d'annoncer sa volonté de rétablir le suffrage universel en même temps qu'il suspendra le Parlement. Vous savez, le populaire choisit toujours l'autoritaire, dit-on. Alors, le 2 décembre, le plan des conjurés se réalise assez facilement. Mais les jours qui suivent, le préfet de police Maupas dispose de moyens limités. Une soixantaine de subordonnés, peut-être, pour arrêter simultanément, au petit matin du 2, les ténors de l'Assemblée. Ensuite, il faut faire appel à la troupe pour disperser les quelques 200 députés qui se sont réunis dans une mairie d'arrondissement et qui ont proclamé la déchéance du chef de l'État. Le peuple ne s'est pas montré solidaire des institutions qui n'ont guère résisté et l'affaire semble plier le 2 au soir. Mais le 3, puis le 4, les barricades se multiplient. Face à pareille situation, 3 ans plus tôt, en 48, le vieux roi Louis-Philippe avait cédé. Mais notre gang de joueurs a tout jeté sur la table et n'a prévu pour lui nulle situation de repli. Ceux de ses membres, qu'on nomme les Africains, parce qu'ils ont expérimenté les méthodes les pires dans la conquête de l'Algérie, vont faire appel à la terreur pour frapper les esprits. Le 4, une vraie tuerie fauche sur les boulevards, non seulement les rebelles, mais aussi les badauds qui se sont approchés trop près. Des dizaines de morts sur les trottoirs. Victor Hugo a perpétué le souvenir d'un enfant qu'il a vu sur les genoux de sa grand-mère désespérée. Tout ça, dit Victor Hugo, pour que Napoléon le Petit puisse aller le printemps prochain respirer les roses de son parc de Saint-Cloud. Un gang d'aventuriers, c'est pas un ordre de chevalerie. Louis-Napoléon pensait n'avoir à procéder qu'à une simple opération de police un peu musclée. Oui, mais voilà qu'une fois Paris maté, de nombreux lieux de province se soulèvent. Jusque dans l'Allier, la Saône-et-Loire, les Basses-Alpes, jusque dans des villages. Ces révoltes sont aucunement coordonnées, ce qui empêche leur extension, mais certaines semblent avoir déclenché une vraie panique chez les partisans de Louis-Napoléon Bonaparte. Le bilan, 1200 tués et blessés dans la capitale et dans l'ensemble de la France, quelques 10 000 exilés en Algérie et transportés en Guyane. Il y eut bien à la racine de ce grand empire un péché, puisque présentant le plébiscite qui devait le justifier, Louis-Napoléon a demandé au peuple, écoutez bien ce mot, de l'absoudre. Nicolas Chaudin, La nuit des aventuriers chez Plon, c'est ce livre qui a été utilisé, entre autres, pour cette chronique. Merci Jean Lebrun. France Inter.